طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فبعد أن أخذنا القاعدة الثانية من القواعد المتعلقة بالصفات، فسوف نأخذ في هذا اليوم القاعدة الثالثة. Donc après avoir terminé d'étudier la deuxième règle, parmi les règles qui sont propres aux attributs d'Allah Azza wa Jal, voilà que nous allons rentrer et nous allons étudier la quatrième règle. قال المؤلف عليه رحمة الله القاعدة الثالثة صفة الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. Donc la troisième règle, c'est de comprendre que les attributs d'Allah Azza wa Jal se divisent en deux. Il y a les attributs affirmatifs, c'est-à-dire ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour son propre être. Et il y a ceux, les attributs négatifs, ceux qu'il a réfutés de son propre être. نعم. قال فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. Donc les attributs d'affirmation, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé à son propre être dans son livre, c'est-à-dire dans le Coran, ou sur la langue du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est-à-dire la sunna, par la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. نعم. دونك tous ces attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmés pour lui-même, ce sont des attributs de perfection dans lesquels il n'y a aucune déficience, peu importe le point de vue dans lequel on se place. C'est-à-dire, comme en guise d'exemple, l'attribut de la vie, l'attribut de la connaissance, la science, l'attribut de la capacité, l'attribut de l'établissement au-dessus du trône, tout comme l'attribut de la descente des cieux vers le premier ciel, ou encore l'attribut du visage et l'attribut des deux mains. Tous ces attributs-là qu'on affirme à Allah Azza wa Jal sont des attributs de perfection, et on se doit de les affirmer d'une manière réelle et concrète et comme il se doit, c'est-à-dire sans interpréter et sans même les comparer, sans comparer ses attributs aux attributs et aux caractéristiques des êtres humains ou des créatures, et sans même se les imaginer, Donc on affirme ces attributs-là à Allah Azza wa Jal d'une manière réelle et comme il lui convient, comme cela convient à Allah Azza wa Jal. Ensuite, Shir al-Utaymin, comme c'est son habitude, il vient avec à la fois des preuves, ou une preuve du Coran ou de la Sunna, puis ensuite il va évoquer une preuve rationnelle sur la question. فقال فأما السمع فمنه فأما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا أو فقد ضل ضلالا بعيدا. Le dalil évoqué, c'est le verset 36 de Surat al-Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, « Ô vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager, ainsi qu'au livre qui a été révélé ou qui est descendu sur son messager, et au livre qui est descendu avant lui, les livres précédents. Celui qui mécroit en Allah et en ses anges, ainsi qu'en ses livres et en ses messagers, et au jour du jugement dernier, il s'est certes égaré d'un égarement lointain. قال شيخ الوثيمين فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد عليه الصلاة والسلام رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به من أو عن يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin, il a note en guise d'explication au verset, et il dit la foi en Allah sous-entend la foi en ses attributs, la croyance, la ferme conviction aux attributs qu'il nous a informés dans le Coran ou dans la Sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Wal iman bil kitab, et la foi au livre, qui est descendu sur le prophète, sous-entend également la foi en tout ce qui est évoqué à l'intérieur de ce livre révélé au prophète alayhi salatu wassalam comme attribut d'Allah Azza wa Jal. Naam. Sans oublier que le fait que d'avoir la conviction que Mohammed est le messager d'Allah, ça sous-entend obligatoirement d'avoir la foi en toutes les informations qu'il nous évoque au sujet de l'être qui l'a envoyé et qui l'a suscité, qui n'est autre qu'Allah Azza wa Jal. Wa amma al-aql. فلأن الله تعالى. Donc là, on a terminé avec le dalil du Coran. Là, il va évoquer le dalil rationnel. نعم. فقال وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها min ghayri taraddudin. Ben, tout simplement parce que c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui a affirmé ses attributs pour lui-même. Et il est bien plus connaisseur de lui-même qu'autrui. Et il est le plus véridique et celui qui parle de la meilleure parole. Donc c'est pourquoi il nous convient d'affirmer ses attributs, les attributs auxquels il nous a informés dans son livre ou selon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, sans avoir le moindre doute. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب. Car en fait, le fait de douter dans une information, c'est permis ou c'est compréhensible seulement quand celui qui vient avec cette information-là, il peut être qualifié comme ignorant. Il peut être qualifié comme ignorant ou kadib, ou comme disant des mensonges. Ou l'ayy. Ou l'i. L'i, c'est. Le madin. C'est. Le défaut. Non. Ou l'i. Bihayth la yufsih. Bima yurid. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il te dit que. On peut douter. On aurait pu douter si toutefois. Cette information-là venait d'un être qu'on peut considérer comme ignorant, ou qu'on peut considérer comme forgeant des mensonges, ou qu'on peut considérer comme déficient dans sa manière de s'exprimer. Dans sa manière de s'exprimer. Wa kullu hadhihi al-uyub al-thalatha mumtani'atun fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces déficiences, l'ignorance, le mensonge et la problématique dans le fait de s'exprimer, Mada, tout ça sont des défauts qui sont réfutables Mada, à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, on a Yani, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut nullement être visé par ces défauts. Taïb. فوجب قبول خبره على ما أخبر به. Donc on se doit d'accepter madame l'information qui nous vient du Coran et de la Sunna. طيب طبعا cette parole là, cette preuve rationnelle, Saraha, même si elle vient de Cheikh Al-Uthaymeen, elle peut être facilement contredite pour quelqu'un qui va dire « Taïb, mais moi je ne crois pas en ce qui est dans le Coran ni en ce qui est de la Sunna. » Non. C'est pour ça, dans certains débats, le fait de revenir sur le aql, ça peut ne pas être... source de victoire décisive sur la partie opposée. Pourquoi? Parce que pour prendre le dessus en se basant sur le aql, il faudrait que la raison des deux opposants soit au même niveau. Soit au même niveau, il faudrait qu'elle soit saine. Naam. Or, pour certains débats, on constate tout de suite que certaines personnes font preuve d'un rationnel qui contredit la prime nature. Naam. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen dit وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. نعم. Et on dit la même chose en fonction des informations qui nous viennent du prophète عليه الصلاة والسلام en ce qui concerne Allah Azza wa Jal. Car le prophète alayhi salatu wa salam est le plus savant des hommes au sujet de son Seigneur. Et il est le plus véridique dans ses informations. Et il est celui qui a le plus de... qui fait preuve de plus de vigueur dans le conseil en vue d'Allah Azza wa Jal. Et il est le plus éloquent en termes d'explication Donc on se doit d'accepter l'information qui nous vient du prophète alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne notre Seigneur Jalla wa Ala. Donc ça, c'est assez simple. Le fait d'affirmer les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé sur lui-même, qu'al hayati wal ilmi wal qudra wa al wajh wal yadayn wa ma ila dhalik. Tamam. Thaniyan والصفات السلبية قال شيخ العثيمين والصفات السلبية et les attributs réfutables ou ماذا نعم les attributs réfutables ou plutôt ماذا comment on pourrait le traduire ça les attributs j'avais dit négatif mais ou plutôt les attributs réfutés ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. Ce sont les attributs qu'Allah سبحانه وتعالى a réfuté de lui-même, ou que le prophète عليه الصلاة والسلام a réfuté. نعم. كلها صفة نقص في حقه كالموت والنوم والجهل. والنسيان والعجز والتعب. Donc tous ces attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté de sa propre personne ou sur sa propre personne ou son propre être plutôt, tous ces attributs là sont des attributs de déficience en ce qui le concerne. Pourquoi on dit en ce qui le concerne? Parce que pour l'être humain, il se peut que ce soit des attributs de perfection, comme le fait de dormir. Un être humain qui ne trouve pas le sommeil, c'est une déficience pour lui. Tandis que pour Allah Azza wa Jal, c'est un attribut de perfection, le fait de ne pas dormir. Non. Taïb. Taïb. وكلها صفة نقص في حقه. À l'exemple, par exemple, comme exemple d'attribut réfutable ou qu'Allah a réfuté, al-maut, la mort, le sommeil, l'ignorance, l'oubli, l'incapacité, la fatigue, tous ces attributs-là, on se doit de les réfuter à Allah Azza wa Jal. Et de nier leur existence en ce qui concerne l'être suprême, Mada, le Seigneur des cieux et de la terre. فيجب نفيها عن الله عز وجل لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. طيب. Et là, c'est un point très important, Yéhouan, c'est-à-dire que quand on réfute un attribut à Allah عز وجل, déjà pour réfuter un attribut à Allah عز وجل, on se base sur quoi, Yahwan? Pour dire que cet attribut-là ne fait pas partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. On se base sur quoi, Yahwan? Qui peut nous donner une réponse rapide? Hein? Pour réfuter un attribut d'Allah Azza wa Jal, on se base sur quoi, Yahwan? Naam, on se base sur le Coran et la Sunna. Ahsanta. On se base sur le Coran et la Sunna. Taïe. C'est-à-dire, si le Coran et la Sunna nous informent d'une manière claire qu'Allah a réfuté ou que le prophète alayhi salatu wassalam a réfuté cet attribut en ce qui concerne l'être d'Allah azza wa jal, alors on le réfute. Et aussi, même si on ne trouve pas dans le Coran et la Sunna le refus de cet attribut clairement évoqué, si toutefois on a des attributs affirmés qui nous font sous-entendre que le contraire est réfutable à Allah Azza wa Jal, alors on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala ne se qualifie pas par tel et tel attribut. Je vous donne un exemple, l'attribut de la laideur. La laideur. Est-ce qu'on peut qualifier Allah subhanahu wa ta'ala comme étant laid? Non. Est-ce qu'on a un hadith ou un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il n'est pas qabih? Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit cela? On ne va peut-être pas en trouver, mais en tout cas on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah jamil, inna Allah jamil, yuhibbul jamal » Certes Allah subhanahu wa ta'ala est beau et il aime la beauté. Certes Allah subhanahu wa ta'ala est beau et il aime la beauté. Naam. Tayyib. Naam. Tayyib. Donc, tout ce qui est... voilà, pour revenir sur la faïda sur laquelle je me suis arrêté, c'est que le fait d'affirmer ou de réfuter un attribut, nous, on ne doit pas s'en arrêter là simplement. De dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne meurt pas. Non. Ça veut dire que quand on réfute un attribut, il y a une obligation qui suit juste après. Et c'est quoi cette obligation? C'est d'affirmer le contraire de cet attribut-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il ne meurt pas, car il est le détenteur de la vie parfaite, la vie qui n'a de début ni de fin. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne meurt pas, ne goûte point au sommeil ni à la somnolence. Pourquoi? Pareil, parce qu'il est le détenteur de la vie parfaite. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas ignorant. Pourquoi? Parce qu'il est le savant sur toutes choses, le connaisseur de tout. Naam. Du visible comme de l'invisible. De ce qui a eu lieu comme de ce qui n'a pas eu lieu. Si il aurait été, qu'est-ce qu'il aurait été? Et on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas parce que justement, il est ala kulli shay'in qadir. Il est sur toute chose clairvoyant et il est sur toute chose capable. Donc quand on réfute un attribut d'Allah Azza wa Jal, on se doit tout de suite, après avoir réfuté cet attribut, d'affirmer son contraire. Tamam. Hadi faida ou qaida muhimma. ولعل الشيخ يذكر أكثر من ذلك. طيب قال مع إثبات نعم مع طيب كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. Donc pourquoi on se doit d'affirmer le contraire de ces attributs réfutés? Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a informé que ne font pas partie de ces attributs ceci et cela, il veut nous informer que il ne réfute ces attributs-là que par la présence des autres attributs de perfection qu'il possède. Naam. La li mujarradi nafiyah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas juste nous dire qu'il ne possède pas comme attribut ceci et cela. Non. Li anna nafiyah laysa bi kamalin illa idha yatadammana ma yadullu ala kamal, ala al-kamal. Parce que le fait de réfuter une chose, ça n'indique pas un caractère de perfection en soi, à l'exception de ou excepté si cette chose-là sous-entend justement une perfection. Tamam. Et lorsque tu réfutes un attribut, ce refus cette réfutation pour cet attribut-là ne peut avoir de véritable sens parfait que si tu affirmes son contraire. Que si tu affirmes son contraire. Naam. وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّفْيَ عَدَمٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّفْيَ عَدَمٌ وَالْعَدَمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ. Et tout simplement parce que le fait de réfuter une chose, dire cela n'existe pas pour un tel ou un tel, c'est tout simplement c'est tout simplement parler du néant. D'une chose qui n'existe pas, ok, c'est du néant, c'est le néant. Tamam. Donc il n'y a pas forcément de ce n'est pas forcément valorisant de se contenter de réfuter. De réfuter un attribut. Non. طيب. والعدم ليس بشيء فضلا أن يكون كمالا. Donc une chose qui n'est pas, c'est le néant. Donc comment ça pourrait déjà, c'est du néant déjà. Comment on pourrait le considérer comme une perfection? فهمتم؟ ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. Et aussi, pour une deuxième raison, parce que le fait de simplement dire que cet attribut ne fait pas partie des attributs d'Allah Azza wa Jal, ou que juste le fait de réfuter quelque chose, ça peut être pour la simple et bonne raison que l'être à qui on réfute cet attribut ne peut pas cet attribut ne peut pas lui le il ne peut pas je sais pas comment vous traduire ça. طيب ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له. Tout simplement parce que lorsque tu réfutes une chose, ça peut être soit déjà de 1 ce refus là sans que tu affirmes le contraire. Comme on a dit, c'est considéré comme du néant. C'est considéré comme du néant. Et deuxièmement, tu peux réfuter une chose d'une personne ou d'un être parce qu'il n'a pas la capacité. Parce qu'il n'a pas la capacité de s'attribuer cette chose-là. Tamam ? Parce qu'il n'a pas la capacité d'avoir cette caractéristique-là. Donc pour dissiper ces deux... ces deux prétextes, alors on se doit d'affirmer le caractère contraire de l'attribut réfuté. Tamam. كما لو قلت طيب قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. كما لو قلت الجدار لا يظلم. Et là il te donne un exemple pour que tout le monde comprenne, un très bel exemple. Il te dit, c'est comme si tu disais, le mur d'un bâtiment, il ne fait pas d'injustice. Le mur, il ne fait pas d'injustice. Ben oui, il ne fait pas d'injustice parce que c'est un être inerte. C'est inerte. Il n'y a pas de vie dans un mur. Comment il pourrait faire de l'injustice? Donc, ce n'est pas en soi élogieux de dire que le mur ne fait pas d'injustice. وَقَدْ يَكُونُ لِعَزٍ عَنِ الْقِيَامِ بِهِ. فَيَكُونُ نَقْسًا. Et aussi, il se peut que on réfute un attribut envers un quelconque être parce qu'il n'est pas capable. Parce que cet être-là n'est pas capable d'acquérir cet attribut-là. كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ. Comme dans la parole du poète, قُبَيْلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ أو نعم حبة خردل. Comme là le poète il dit, une tribu qui ne trahit jamais son pacte et qui ne peut pas faire du tort aux gens, ne serait-ce que que le grain d'un atome de moutarde. نعم. Ça a été dit dans un contexte un peu de moquerie, si vous voulez. On se moque de cette tribu-là qui n'est pas capable de faire un quelconque tort aux gens, ne serait-ce que par le mana, par le du poids d'un atome ou du poids d'un grain de moutarde. Et certains autres ulémas, ils disent que ce vers de poésie, au contraire, il est à sa place et il fait l'éloge de cette tribu qui ne fait de tort à personne. Naam. Ala kulli hal, Cheikh Al-Uthaymeen, là, il l'a évoqué pour justement prendre le côté moquerie. Tu vois. Naam. Wa qawl al-akhar. لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا et là dans un autre vers de poésie, Cheikh Al-Uthaymeen il dit ou il évoque la parole du poète qui dit: cependant mon peuple, même si ce sont des gens d'une grande lignée, ils ne peuvent faire le moindre mal, même s'ils sont humiliés. Ils ne peuvent faire le moindre mal, même s'ils sont humiliés. Donc là, on réfute le mal de cette tribu, ou l'injustice de la tribu évoquée dans le premier bait, parce qu'ils ne sont pas capables. Parce qu'ils ne sont pas capables. Donc juste le fait de dire, de réfuter cela, c'est pas forcément élogieux. Mais lorsque tu dis: ils ne font pas de tort parce qu'ils sont d'une justice la plus totale. Alors là, toute ambiguïté se dissipe. Alors là, toute ambiguïté est dissipée. Naam. Qala wa mithalu dhalika qawluhu ta'ala wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkal, et parmi les exemples du Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Furqan verset 58: et place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. فَنَفْيِ الْمَوْتِ عَنْهُ يَتَضَمَّنُ كَمَالْ حَيَاتِهِ. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute la mort sur lui-même, ça sous-entend la perfection de sa vie. La perfection, la vie parfaite qu'il mène. وَمِثَالٌ آخَرْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et dans un autre exemple, dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait de tort à personne. Ton Seigneur ne fait de tort à personne. Verset 49 de Surat Al-Kahf, la caverne. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Ou d'injustice à personne. Nafyu dhulm anhu yatadamman kamal adlih. Et donc, le fait de réfuter l'injustice au sujet de l'être d'Allah azzawajal, ça sous-entend la perfection de sa justice. ومثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. Et aussi dans un autre verset de sourate le Créateur, verset 44, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ. Personne ne peut rendre Allah Azza wa Jal incapable, que ce soit dans le ciel ou sur terre. Donc ça, ça doit sous-entendre la perfection de la science d'Allah Azza wa Jal et sa capacité. Et sa capacité parfaite. Il a la capacité sur tout. وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Et c'est pourquoi après ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et certes, il est bien connaisseur et capable. Après avoir évoqué les versets sur le fait que personne ne peut le rendre incapable dans les cieux et la terre, il a dit, il a fait suivre ces versets par la parole où il dit: certes, il est le connaisseur, le savant et le capable. نعم لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. Parce que l'incapacité, en général, elle découle de quoi? Elle découle soit de l'ignorance, ou soit elle découle de l'incapacité. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme directement qu'il est le savant et qu'il est le capable. فَلِكَمَالِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِيُعْجِزَهُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَبِهَذَا الْمِثَالِ عَلِمْنَا أَنَّ صِفَةَ السَّلْبِيَّةِ قَدْ تَتَضَمَّنْ أَكْثَرَ مِنْ كَمَالٍ. Et donc, avec ce dernier exemple, on comprend que les attributs réfutés, ils peuvent sous-entendre plus d'une perfection. C'est-à-dire, quand tu réfutes l'incapacité à Allah Azzawajal, l'attribut de l'incapacité, tu le réfutes. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait dans sa science. Sa science est infuse sur tout. Ça sous-entend aussi que il a la capacité infinie. Il est capable de tout. Na'am. Et ça sous-entend encore bien d'autres attributs de perfection. Donc là, vous retenez pour aujourd'hui, Juan, cette qa'ida al-azim, que les attributs d'Allah ils se divisent en deux. Il y a ceux qui sont affirmés, ceux qu'il a affirmés lui-même pour son propre être, ou ceux que le prophète alayhi salatu wasalam a affirmé à son sujet. Et il y a ceux qu'il a réfutés. Il y a les attributs qu'il a réfutés, et ou que son prophète a réfuté de lui-même. Ya ikhwan saraha al-kutub fi mithli hadhihi al-mawad ra'i'a. Je vous assure, ya ikhwan, que la lecture dans ce genre de livre c'est une lecture qui est magnifique. Li'annaha tu'allimuna ashiya' 'an khaliqina الذي خلقنا وسوانا وهدانا. Parce que ce genre de cours, Juan, il nous enseigne au sujet de notre Créateur, celui qui nous a créé, celui qui nous a guidé vers l'islam, celui qui nous a octroyé tout ce qu'il nous a octroyé. Allahu alladhi khalaqakum. ثم يحييكم أو ثم رزقكم ثم ماذا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ماذا طيب الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتعلموا أوصافه. الله سبحانه وتعالى il aime de ses serviteurs qu'ils étudient et qu'ils apprennent ses attributs. ولكم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فكان يصلي لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. Vous connaissez le hadith où le prophète عليه الصلاة والسلام a envoyé un homme à la tête d'une armée, et il avait l'habitude de prier pour eux, c'est-à-dire de diriger la prière. Et dans ses prières, il a pris pour habitude de réciter une sourate, une autre, et de toujours terminer en récitant قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ. Et lorsqu'ils sont revenus auprès du prophète عليه الصلاة والسلام, ils lui ont évoqué la chose. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a demandé à ses compagnons: allez voir cette personne-là et demandez-lui pourquoi il a pris cette habitude de réciter toujours « قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ » dans ses prières. فَقَالَ الصَّحَابِي لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ. Parce que cette sourate, elle constitue en soi l'attribut, les attributs d'Allah Azza wa Jal. Wa inni uhibbu an aqra biha. Et moi, j'aime lire cette sourate. فَمَاذَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Qu'est-ce que le prophète ﷺ il a répondu lorsqu'il a entendu cette parole? Il a dit أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ. Informez-le qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Juste pourquoi? Pour son amour qu'il a envers la sourate Al-Ikhlas, parce qu'elle évoque les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Alors que dire pour nous qui passons sur bon nombre d'attributs d'Allah Azza wa Jalla et sur bon nombre de règles concernant ces attributs? Naam. S'il y a des questions sur le sujet, Yann Khouan, avant qu'on rentre dans notre dars. Ou bien les questions à la fin du dars, Inch'Allah. Parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. Inch'Allah, les questions à la fin du dars.